Thank you. un soir que dans le Bronx, j'étais un peu plus anxieux de retrouver Samantha. J'allais au devant d'aventure sans savoir à quel point vous seriez inspirant. Les musiciens enveloppant mon âme. Comment imaginer une telle distraction? Je ne crois pas. Si seulement on avait conscience à quel point tu le sens, tu le sais, mais tu consens comme, mais oui, tu le sais. Ah. Dans ton sang, tu sens, mais... Consens comme... Quand même! Évidemment, tu le sens... Tu consens quand même. Ah. Eh ouais. C'est la fin, c'est l'effondrement. On n'ose plus le dire, on sent tellement si finalement. On disait. À l'endroit de ceux qui disent tout le temps, qui parlent tout le temps. Moi je suis à côté de ceux qui parlent tout le temps. Pourtant, juste accroché. Besoin confronté. Réalité. Mais quand je veux, il suffirait d'un instant. Connecté au présent. Tout le contraire d'une jam session. Pourtant, tout le temps, tout le temps. Entre parenthèses, s'il te plaît, pour un instant, pas longtemps, avant que le réveil sonne. Voir ta beauté, ton regard, ton iris, ta pupille profonde. Pas besoin d'une étoile, juste besoin de ton regard, encore dans mon regard. Pas longtemps, juste un instant. Vers l'infini, voir l'au-delà. L'infini, l'au-delà. What I need is over. What I need is over. Days. Night, what I need is even when I sleep, I just walk on the Buddha. Even when I sleep, I just walk on the Buddha. Ah. love, give you all my soul. When it is all. The board, board, board, board. My sister, where are you? My brother, where are you? What I need is all. Ah. Yeah. Now let's go to the river. Over and à 4h du matin, comme Arthur Rimbaud, depuis dans l'herbe, regardant les étoiles, je ne sais pas. Sera demain. Demain sera la terre promise. Demain sera le paradis. Demain. Demain. Tiens, mon What you a start, what you a begin? Just know me. What you a start, what you a begin? What you a start, what you a begin? What you a begin? What you need is all. Oh. What we need, what I like, what I like, what we need. Over and over. Passer encore un petit peu. C'est pareil avec mes amis musiciens. Pas savoir que ça commence. With my family. Explore. Try it. Fail it. Try it. It's over. Go back. car le vent contre le vent mauvais en formation on s'organise, on lutte, on compte, compte, compte. Stella, Radium, Exaudi, Populum. Extinction des feux. Avant l'extinction. Thank you very much. Thank you.